Troisième partie. Les nouveaux fermiers arrivèrent le lendemain. Les laboureurs et la servante étaient venus dès le matin, et lorsque le soir les maîtres entrèrent dans la maison, je savais qu'on les appelait monsieur et madame Alphonse. Monsieur Tirande resta 2 jours à Vieilleville, et partit après m'avoir rappelé que j'étais au service de sa bru, et que je n'aurais plus à m'occuper des travaux de la ferme. Dès la première semaine, madame Alphonse avait fait transformer la chambre de Gênes en lingerie, et elle m'avait aussitôt installé devant une grande table, sur laquelle étaient plusieurs pièces de toile que je devais transformer en linge de toutes sortes. Elle venait s'asseoir près de moi pour faire de la dentelle. Elle restait des journées entières sans me dire un mot. Quelquefois, elle me parlait des armoires pleines de linge de sa mère. Sa voix était sans timbre, et sa bouche remuait à peine pour parler. Monsieur Tirande paraissait beaucoup aimer sa bru. Chaque fois qu'il venait, il s'informait de ce qu'elle pouvait désirer. Elle n'aimait que le linge. Alors il partait en promettant d'acheter d'autres pièces de toile. Monsieur Alphonse ne paraissait guère qu'aux heures de repas. J'aurais bien été en peine de dire à quoi il employait son temps. Son visage me rappelait celui de la supérieure. Il avait comme elle la peau jaune et les yeux brillants. On eût dit qu'il portait en lui un brasier qui pouvait le consumer d'un moment à l'autre. Il était très pieux, et chaque dimanche, il partait avec madame Alphonse à la messe du village qu'habitait monsieur Tirande. Au commencement, ils voulurent m'emmener dans leur voiture. Mais je refusai, préférant aller à Sainte-Montagne, où j'espérais rencontrer Pauline ou Eugène. Quelquefois, un des laboureurs venait avec moi, mais le plus souvent je m'en allais seul, par un chemin de traverse qui diminuait de beaucoup le trajet. C'était un chemin rude et pierreux qui grimpait sur la colline à travers les genêts. À l'endroit le plus élevé, je m'arrêtais devant la maison de Jean le Rouge. Cette maison était basse et profonde. Les murs étaient aussi noirs que le chaume qui la recouvrait. On eût pu passer à côté sans la voir, tant les genêts qui l'entouraient étaient hauts. J'entrai pour dire bonjour à Jean le Rouge, que je connaissais depuis que j'étais à la ferme de Villevieille. Il avait toujours travaillé pour maître Sylvain, qui le tenait en grande estime. Eugène disait qu'on pouvait le faire toucher à tout, et qu'avec lui les choses étaient toujours bien faites. Maintenant, monsieur Alphonse ne voulait plus l'occuper. Il parlait de le renvoyer de la maison de la colline. Jean le Rouge en était si affecté qu'il ne pensait plus qu'à cela. Aussitôt après la messe, je revenais par le même chemin. Les enfants de Jean m'entouraient pour avoir le pain béni que je leur rapportais. Ils étaient 6 et l'aîné n'avait pas encore 12 ans. Mon pain béni n'était guère plus gros qu'une bouchée, aussi je le remettais à la femme de Jean qui le distribuait en part égale. Pendant ce temps, Jean le Rouge apportait pour moi un escabeau devant le feu et il s'asseyait lui-même sur une rondelle de bois qu'il roulait du pied jusqu'à la cheminée. Sa femme ramenait les brindilles dans le feu avec de lourdes pincettes. Et dans le chaudron, pendu à la crémaillère, on voyait cuire de grosses pommes de terre jaunes. Dès le premier dimanche, Jean le Rouge m'avait dit « Je suis aussi un enfant abandonné. » Et peu à peu, il m'avait appris qu'à l'âge de 12 ans, on l'avait placé chez le bûcheron qui habitait déjà la maison de la colline. Il avait su très vite grimper au sommet des arbres pour y attacher la corde qui devait les faire pencher. Puis, la journée finie, et son fagot de bois sur le dos, il partait en avant pour arriver plus vite à la maison, où il trouvait la petite fille du bûcheron en train de faire la soupe. Elle était du même âge que lui, et ils étaient devenus tout de suite de bons amis. Puis le malheur arriva un soir de Noël. Le vieux bûcheron, qui croyait les enfants bien endormis, s'en alla à la messe de minuit. Mais eux s'étaient levés aussitôt après son départ. Ils voulaient préparer le réveillon pour le retour du vieux, et ils se faisaient une joie de sa surprise. Pendant que la fillette faisait cuire des châtaignes et mettait sur la table le pot de miel et la cruche de cidre, Jean le Rouge préparait un feu de grosses bûches. Le temps passa, les châtaignes étaient cuites, et le bûcheron tardait à rentrer. Les enfants s'assirent par terre devant le feu pour avoir plus chaud, et ils finirent par s'endormir en s'appuyant l'un contre l'autre. Jean se réveilla au cri que poussait la petite fille. Il ne comprit pas tout d'abord pourquoi elle levait les bras si haut devant la flamme. Comme elle sautait sur ses pieds pour s'enfuir, il vit qu'elle brûlait. Elle avait déjà ouvert la porte du jardin et elle courait en éclairant les arbres. Alors Jean l'avait saisie et jetée dans la fontaine de la source. Le feu s'était éteint tout de suite, mais lorsque Jean voulut la sortir de la fontaine, il la trouva si lourde qu'il crut qu'elle était morte. Elle ne faisait aucun mouvement et il mit longtemps à la tirer de l'eau. Puis il la ramena à la maison en la traînant comme un fagot. Les grosses bûches étaient devenues des braises rouges. Seule la plus grosse, qui était humide, continuait à fumer et à grésiller. Le visage de la petite fille n'était plus qu'une énorme boursouflure noire et violacée, et son corps, à moitié nu, laissait voir de larges taches rouges. Elle resta de longs mois malade, et quand, enfin, on la crut guérie, on s'aperçut qu'elle était devenue muette. Elle entendait très bien, elle pouvait même rire comme tout le monde, mais il lui était impossible d'articuler un seul mot. Pendant que Jean le Rouge me racontait ces choses, sa femme le regardait en remuant les yeux, comme si elle lisait un livre. Son visage portait des traces profondes de brûlure, mais on s'y habituait très vite, et on ne voyait plus que sa bouche aux dents blanches et ses yeux un peu inquiets. Elle appelait ses enfants en faisant entendre un éclat de voix prolongé, et les petits accouraient et comprenaient tous ses gestes. J'étais désolée aussi de leur voir quitter la maison de la colline. C'étaient les derniers amis qui me restaient, et l'idée m'était venue d'en parler à Madame Alphonse, dans l'espoir qu'elle obtiendrait de son mari qu'il veuille bien les garder. Je trouvai l'occasion, un jour que M. Tirande et son fils étaient rentrés dans la lingerie, en parlant de changements à faire à la ferme. M. Alphonse ne voulait pas de troupeau. Il parlait d'acheter des machines agricoles, d'abattre les sapins et de défricher la colline. Les étables serviraient de remise pour les machines, et la maison de la colline deviendrait un grenier à fourrage. Je ne sais si Madame Alphonse entendait. Elle travaillait à sa dentelle avec une grande attention. Aussitôt que les deux hommes furent sortis, j'osais parler de Jean le Rouge. J'expliquai combien il avait été utile à Maître Sylvain. Je dis son chagrin de quitter cette maison qu'il habitait depuis si longtemps, et quand je m'arrêtai, tout angoissé de la réponse qui allait venir, Madame Alphonse retira son crochet du fil et dit « Je crois que je me suis trompée d'une maille. » Elle compta jusqu'à 19 et elle ajouta « C'est ennuyeux, il faut que je défasse tout un rang. » Quand je rapportai cela à Jean le Rouge, il eut un mouvement de colère qui lui fit tendre le poing vers Villevieille. Mais sa femme lui mit la main sur l'épaule en le regardant. Aussitôt, Jean se calma. Jean le Rouge quitta la maison de la colline à la fin de janvier, et une profonde tristesse entra en moi.